Chapitre 18. Le lendemain, Magali et Freddy se rendirent à l'incompréhensible convocation de Lord Lowthead. Magali avait les yeux cernés, la tête douloureuse, après une nuit entière d'insomnie. Mais son esprit avait recouvré un calme suffisant, après une longue station à l'église et la lettre qu'elle venait d'écrire au père Noué, en ce moment en Irlande, pour lui demander conseil. Lord Gerald est déjà arrivé, dit Freddy en voyant devant la demeure de Lord Lowthead l'équipage particulier du duc, reconnaissable à ses superbes chevaux fringants et à la livrée très sobre des domestiques. Le jeune homme se trouvait, en effet, dans le salon où furent introduits les arrivants. Il était debout et examinait avec attention un objet qu'il tenait entre ses mains. Nous sommes peut-être en retard, Milord, dit Magali. « Aucunement, c'est moi qui suis en avance, Miss Magali. Lord Lowthead vient de me dire qu'il nous attendait. Mais regardez donc ceci, je suis frappée d'une ressemblance. » Il tendait à Magali une miniature encerclée d'or. Elle vit une jeune femme brune, au teint très blanc, aux yeux bleus d'une extrême douceur. « Mais c'est ma mère » murmura-t-elle stupéfaite. Le duc eut un tressaillement. Moi, je trouvais une ressemblance extraordinaire avec Freddy. Vous vous rappelez bien votre mère, Miss Magali? Comme si je la voyais encore devant moi, Milord. Oui, voilà bien son regard, ses traits si purs. De qui est ce portrait? Demanda-t-elle d'une voix étouffée par l'émotion. C'est celui de la belle-sœur de Lord Lowthead, une Française de noble famille bretonne, qui fut la mère de Lady Ethel, cette jeune fille si mystérieusement disparue. Ethel, notre mère, s'appelait ainsi, murmura Freddy, tout pâle de saisissement. Ils se regardèrent tous trois, une même pensée surgissant dans leur esprit. Venez, dit Lord Gerald d'une voix frémissante. Ils gravirent avec lui le large escalier de pierre et furent introduits dans la chambre de Lord Lowthead. Le vieillard, dont le visage était ravagé par la maladie, se trouvait assis dans un fauteuil soutenu par des oreillers. « Ah, vous voilà enfin » murmura-t-il. « Le temps presse, je m'en vais à grands pas. Asseyez-vous et écoutez-moi. » Le duc avança un fauteuil à Magali et se tint debout, à quelques pas en arrière, les bras croisés, son regard se portant du vieillard affaissé et tremblant à la jeune fille, dont la physionomie exprimait à la fois la compassion et l'anxiété. « Je n'ai ni le temps ni le désir de faire un inutile préambule, » d'une voix qui s'échappait péniblement de sa gorge contractée. « Je vais simplement vous raconter ce qu'il advint de ma nièce, Ethel Lowthead. Au cours d'un voyage dans l'Amérique du Sud, nous nous arrêtâmes à Buenos Aires, chez un riche propriétaire de la région, qui était un ami pour nous. Il y avait là un jeune secrétaire français, parfaitement élevé, esprit original et charmeur, doué de remarquables qualités physiques et morales. » Il avait une voix magnifique, Ethel également, et nous hôtes les firent chanter ensemble. Il nous accompagnait dans nos promenades à cheval, ma nièce le consultait sur ses aquarelles et ses dessins. Moi, tout occupé de l'achat difficultueux d'une médaille rarissime, je n'accordais aucune attention au changement d'humeur d'Ethel, qui devenait rêveuse et avait de brusques accès de gaieté, suivi d'inexplicable mélancolie. Ce fut pour moi un coup de massue lorsqu'elle m'annonça qu'elle voulait épouser Luc Dolté. Je refusai avec indignation, je lui reprochai violemment d'avoir seulement eu la pensée de déroger ainsi. Mais est-elle possédée sous sa douce apparence une volonté de faire et un cœur qui ne se reprenait pas une fois donné? En dépit de mes menaces, elle persista dans sa résolution. Elle devint Madame Luc Dolté et je ne la revis plus. Je jurai de ne jamais lui pardonner, de ne jamais reconnaître pour mes petits-neveux ses enfants, si jamais elle en avait. Voilà pourquoi je suis demeuré muet, Magali et Freddy, lorsque vous me fûtes présentés dans le hall d'Oakerpark. très fier de ma vieille noblesse, je ne voulais pas découvrir la mésalliance de ma nièce, d'autant moins que l'héritier du nom et de la fortune des Leoutaides se trouvait être Freddy, l'hérédité se transmettant cette fois en ligne féminine par le fait de la mort, éloigné déjà du seul parent masculin que j'eusse. Je savais que je commettais une injustice et cependant je m'y enfonçais chaque jour davantage en durcissant mon cœur devant votre charme à tous deux, mes pauvres enfants, devant cette ressemblance frappante de Freddy avec cette Ethel que j'avais chérie comme ma fille. Il a fallu que j'arrive à mes derniers moments pour comprendre enfin la grandeur de ma faute, pour réparer. Dans l'esprit de Lord Gerald, une pensée dominait tout en cette minute. Magali, la fille de Luc Dolté et de Lady Ethel Lowted, se trouvait maintenant rapprochée de lui, et même un peu sa parente, par suite d'une alliance contractée au siècle précédent entre une Hawker et un Lowted. Et c'était cette même pensée qui illuminait les yeux noirs de Magali, tandis que le vieillard parlait. « Milord, nous vous aurions cependant entouré de tant d'affection, » dit-elle doucement en se penchant vers lui. « Oui, je sais que vous êtes tous deux des êtres charmants et que j'ai privé mes derniers jours de grandes consolations. J'ai bien souffert depuis quelques jours du remords d'avoir été impitoyable envers Ethel. Elle m'avait écrit un an après son mariage pour solliciter son pardon, reconnaissant qu'elle avait été coupable en résistant à la volonté de celui qui lui avait servi de père. Je lui renvoyai sa lettre. Depuis, je n'en entendis plus parler. » Il s'interrompit, oppressé et livide. « Milord, ne vous fatiguez pas !» supplia Magali. Il eut un geste d'indifférence. « Oh, qu'importe ! Il faut que je vous dise encore. Mais d'abord, appelez-moi mon oncle. Cela me rappellera ma petite Ethel. Oui, cette enfant m'était chère. Elle était intelligente et bonne comme vous, Magali. Mais vous ne lui ressemblez pas physiquement. « Vous êtes le portrait de votre père, ce beau Luc Dolté, poète, musicien, charmeur irrésistible. Freddy tient d'Ethel au physique et au moral. Seulement, il a en plus une chose que je n'avais pas songé à munir ma nièce, une foi religieuse profondément enracinée. Freddy, venez ici, mon enfant. » Il prit les mains du jeune homme, l'attira tout près de lui. « Elle vous a donné mon nom. Elle aimait bien son original d'oncle, pauvre petite. Freddy, vous êtes mon héritier, vous allez être Lord Lowted. Ce qui, dans ma fortune, n'est pas en majorat, sera partagé entre Magali et vous. J'ai fait mon testament. Milord, « voulez-vous accepter de vous occuper du nécessaire afin que les droits de ces enfants soient bien établis ?» Le duc se rapprocha et se pencha vers lui. « Je me charge de tout. Soyez sans crainte, milord. Ce sera probablement un peu long et difficile, étant donné le manque absolu de pièces légales, actes de mariage, actes de naissance des enfants. » « Vous pourrez peut-être vous procurer le premier à Buenos Aires. Les enfants savent peut-être où ils sont nés. »« Nous l'ignorons complètement, milord, » dit Magali. « Ma pauvre mère, depuis longtemps affaiblie et malade, ne nous entretenait jamais du passé. » »« Il est singulier qu'elle n'ait pas emporté quelques pièces établissant son identité. » « Enfin, nous avons une piste maintenant, nous chercherons mieux que nous n'avons pu le faire il y a 8 ans, » dit Lord Gerald. « Vous nous aviez dit, Magali, vous rappelez-vous ce jour où le duc de Staldif arrivait à point dans la serre pour jeter dehors ce Roswell, que cet individu vous avait insinué qu'il pourrait peut-être vous faire connaître votre origine maternelle ?» Il n'y aurait pas à attacher à cela une grande importance si je n'avais, à plusieurs reprises, remarquez le regard de cet homme se reportant de vous à moi, avec une expression singulière qui me frappait toujours, en me faisant craindre qu'il ne connût le secret que je pensais posséder seul. Il se peut qu'aux Indes, il ait connu vos parents et qu'il puisse nous donner des renseignements utiles. » Ce n'était pas la première fois qu'il me parlait de cela, dit Magali. L'antipathie que m'inspirait ce personnage me faisait considérer comme non avenue ses insinuations, peut-être réelles après tout. Eh bien, j'ai agi comme vous, Miss Magali, lorsque ce misérable m'a dit un mot à ce sujet, le jour où je lui ai signifié son congé, dit Lord Gerald. Si nous ne réussissons pas autrement, nous tâcherons de savoir quelque chose de ce côté. N'ayez crainte, milord, je veillerai à tous les intérêts de vos petits-neveux. Oui, je sais que je puis avoir toute confiance en vous. Merci de les avoir si généreusement recueillis. Merci de tout ce que vous avez fait pour eux, milord. J'en ai été payé au centuple par l'affection de mon petit Fred, par... Il se tournait vers Magali et lui tendait la main. « Voulez-vous maintenant, Magali ? » demanda-t-il doucement. « Oui, maintenant, je le veux bien, milord, » répondit-elle avec un regard rayonnant en mettant sa main dans la sienne. « Tout est donc réparé, » murmura le vieillard avec un regard de reconnaissance vers le ciel. Lord Frederick Lowthead, entouré de ses petits-neveux et de Lord Gerald, rendit ce même jour son âme à Dieu. Le duc s'occupa de tous les funèbres détails en même temps qu'il faisait connaître l'héritier du vieux lord. Ce fut un coup de théâtre lorsque le Lord aristocratique apprit du même coup cette nouvelle et celle des fiançailles du duc de Staldif avec Magali d'Olté. Les invités aux funérailles furent d'ailleurs unanimes à reconnaître la grâce très patricienne du jeune Lord Lowthead, qui conduisait le deuil avec le duc, et à admirer l'incomparable beauté de la fiancée de Lord Gerald, qu'accompagnaient la duchesse de Staldif et sa fille. Dans l'après-midi de ce jour, Mademoiselle Noé et Magali, délicieusement jolies dans sa sévère toilette de deuil, descendirent chez Lady Julian à l'heure du thé. Lord Dorwilly, fiancé depuis 2 jours à Lady Isabelle, se trouvait là, ainsi que Freddy. Le duc entra presque aussitôt et s'avança vers Magali. « Pardonnez-moi de n'avoir pas été au-devant de vous, Magali. J'étais retenu par un de mes tenanciers de passage à Londres qui venait me présenter une requête. Je vais vous avouer tout simplement que j'avais fort envie d'expédier ce brave homme. » Mais je me suis rappelé une parole, dite autrefois par ma chère égérie. Il ne faut jamais négliger un devoir, même pour la plus légitime des satisfactions. Or, la satisfaction, c'était de vous voir un peu plus tôt, et le devoir consistait à écouter ce pauvre Sané, à l'aider charitablement à sortir de ses phrases embrouillées et à le mettre un peu à l'aise, car j'ai toujours le talent d'intimider les gens, même sans le vouloir. Aussi, lorsqu'ils auront leur aimable jeune duchesse, ces malins auront vite trouvé plus simple de s'adresser à elle et de tout faire passer par ses mains, ou plutôt par son cœur. « Ce sera si bon, Gérald, » dit-elle avec un sourire de bonheur. « Oui, ce sera délicieusement bon de faire le bien ensemble, » répliqua-t-il avec émotion. Il s'assit près d'elle et sortit une lettre de sa poche. « Voulez-vous me permettre de prendre connaissance de ceci ? C'est une lettre de Silton et il se peut qu'elle contienne quelques nouvelles d'importance. » « Précisément, on m'informe que ce misérable Roswell, qui n'a jamais pu se remettre des suites de sa blessure, est à ses derniers moments. »« Oh, le malheureux !» murmura Magali. « Si nous voulons tenter de savoir si réellement il a connu vos parents, il faut que je parte demain pour Silton. » Magali hocha la tête. « À vous, il ne dira rien, Gérald. Il ne pourra oublier comme vous l'avez traité. » « Je suis de votre avis, mais alors ?»« Il faudrait peut-être que ce soit moi. »« Vous ? » s'écria-t-il avec un geste de protestation. « Oubliez-vous ce que cet être a tenté ? Non, non, Magali, je ne pourrai jamais supporter que vous voyiez cet homme. » Ce malheureux est mourant, Gérald, et, indépendamment de l'intérêt que peuvent avoir ces révélations, il n'est peut-être pas impossible de tenter quelque chose pour le salut de cette âme. En voyant que je lui pardonne, il se peut qu'il soit touché. J'en doute, car je le crois bien endurci. Il est vrai que vous êtes capable d'adoucir les pierres, dit-il en l'enveloppant d'un regard d'admiration ému. Faites comme vous le voudrez, Magali. Cela me coûte de vous voir tenter cette démarche, mais vous avez raison, si quelqu'un peut penser réussir, c'est vous. Je partirai demain avec Mademoiselle Amélie. Oui, le plus tôt possible, pour avoir quelque chance de trouver cet homme vivant. Je vous accompagnerai et vous obtiendrez aussitôt les autorisations nécessaires pour pénétrer près de lui. Ce sera une pénible corvée, songez-y, Magali. Il le faut, Gérald. Je ne sais pourquoi, il me semble que ce Roswell doit nous expliquer bien des choses. Et puis, ne faut-il pas payer par quelques petits sacrifices mon bonheur ? Dit-elle en levant vers lui ce regard lumineux où il avait su toujours si bien lire. Ce bonheur que vous refusiez si résolument l'autre jour, répliqua-t-il d'un ton de doux reproche. Vous m'avez fait souffrir, Magali. Il s'interrompit. La porte s'ouvrait, laissant apparaître Lady Ophelia en élégante tigoune. La jeune fille venait d'arriver cet après-midi même, après un court séjour en Écosse. Un bref billet de sa cousine lui avait appris la mort de Lord Lowthead, sans mentionner d'autres détails, la malicieuse Isabelle se réservant de jouir de sa surprise à la nouvelle des événements qui transformaient le sort de Freddy et de cette Magali détestée. Elle s'arrêta brusquement, les traits un peu contractés. De tous ceux qui étaient là, elle ne voyait en cette minute que son cousin et Magali, assis l'un près de l'autre, la main dans la main. « Entrez donc, Ophélia, dit le duc en se levant. Nous avons bien des choses à vous apprendre. Tout d'abord, de doubles fiançailles, Isabelle et Lord Rupert, Magali et moi. » Il y avait dans son regard une petite lueur railleuse, sa voix avait une intonation légèrement mordante. Lady Ophelia, serrant les lèvres, s'avança vers sa cousine et, tout en tendant la main à Lord Orwilly, elle dit d'un ton qu'elle essayait de raffermir « Je suis charmée du bonheur qui vous arrive, milord. Vous aurez une aimable compagne en cette chère Isabelle. » Elle ne faisait pas mine de se retourner vers Magali. Le duc, un sourire moqueur aux lèvres, dit avec calme « N'aurons-nous pas aussi l'honneur de vos félicitations, Ophélia ?» Elle le regarda, très pâle, sa bouche est un pli de dédain. « Vous devez vous douter, Gérald, que je ne puis comprendre !» Mais elle baissa les yeux devant le regard impératif qui se posait sur elle et murmura d'un air contraint « Je vous adresse tous mes vœux de bonheur. » Et faites aussi vos compliments à Freddy. Venez donc, mon cher Fred, dit Lord Gérald, en appelant d'un signe le jeune homme assis près de la duchesse et de Mademoiselle Amélie. Ophélia, je vous présente Lord Frédéric Lowthead. Que dites-vous, Gérald ? Balbutia-t-elle stupéfiée. Il est authentique, je vous assure, Ophélia, s'écria en riant Lady Isabelle. Il est le petit-neveu et l'héritier du pauvre Lord Lowthead que nous avons conduit ce matin à sa dernière demeure. Et ma fiancée se trouve être ainsi un peu notre cousine, ajouta le duc. Je ne l'en aime pas davantage pour cela, je crois que ce serait bien impossible, dit-il avec un sourire de bonheur.